Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre émission Libre-Échange. Merci à toutes, merci à tous de m'envoyer vos petits messages de sympathie, c'est important et grâce à vous, eh ben ça me permet aussi de, parce que j'ai beaucoup de suggestions, de préparer de nouvelles émissions. Alors aujourd'hui, on va avoir une émission un peu spéciale. On n'a jamais parlé, on en a parlé déjà de la vaccination, mais on n'a jamais parlé d'une maladie qui est la méningite et notamment la méningite C. Pour ce faire, eh bien, je vais avoir plusieurs interviews et témoignages de personnes qui vont venir un peu nous en parler. Alors, pour commencer, moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'interview de monsieur Michel Georget. Ce monsieur, il est biologiste, en fait, et il est professeur honoraire des classes préparatoires aux grandes écoles biologiques. Donc voilà, il sait de ce dont il parle. Alors le but, comme je vous rappelle, Libre-Échange, c'est pas une émission à polémique. Le but, c'est d'informer nos auditrices, nos auditeurs. Et lui, en toute objectivité et neutralité, il va nous parler justement de la vaccination. Et il parlera aussi de l'hépatite C. Monsieur Michel Georget, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de l'université, professeur honoraire de biologie des classes préparatoires aux grandes écoles biologiques. Vous avez donné beaucoup de conférences, que ce soit en France, à l'étranger. Et aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu de la vaccination. Je rappelle que vous êtes auteur de deux ouvrages. Le premier est « Vaccination, les vérités indésirable » qui est paru aux éditions d'Angle, et le second qui est « L'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe ». Alors, la vaccination, exactement, quels sont les enjeux, quelle est l'importance de la vaccination d'un point de vue général? D'un point de vue général, si vous voulez, bon, le principe de la vaccination résulte du fait que on a rarement deux fois la même maladie. Je parle surtout, bien sûr, des maladies infantiles. Il était courant autrefois d'avoir la rougeole. On l'avait une fois, c'était terminé. Même chose pour la varicelle, la coqueluche, etc. La vaccination repose donc sur le même principe qui consiste à stimuler le système immunitaire par une forme atténuée du microbe, du virus ou de la bactérie, de façon à déclencher une réponse immunitaire qui sera efficace contre le même pathogène, mais cette fois, je dirais, sauvage, virulent. Voilà le principe, mais dedans, donc en fait, on va utiliser un microbe qui est, comme vous l'avez dit, affaibli, avec dans son entourage des supports, et notamment des adjuvants, des choses comme ça. Y a-t-il des risques ? À différents niveaux. Hein. Il y a tout d'abord le fait, il y a un risque fondamental, moi j'estime, dont on ne parle jamais, c'est le fait que les vaccins sont des produits standards qui sont administrés à des sujets qui sont tous différents. Je veux dire par là que le système immunitaire n'est pas complètement autonome, il est soumis à un autre système qui est ce qu'on appelle le système HLA, hein, qui est l'abréviation de Human Leukocyte Antigen, qui est en fait notre carte d'identité. C'est ce fameux système HLA qu'il faut respecter lorsqu'on fait des greffes ou des transplantations d'organes. Vous savez très bien qu'il faut essayer d'harmoniser au mieux le donneur et le receveur. Pourquoi ? Mais de façon à empêcher, ou au moins à réduire, la réaction immunitaire de rejet. Car le rejet dans une greffe, c'est tout simplement une réaction immunitaire, parce que le système immunitaire reconnaît le greffon comme quelque chose d'étranger, et par conséquent, il le rejette. Mais en essayant d'avoir le moins de différence possible entre les systèmes HLA du donneur et du receveur, on minimise ces problèmes de rejet. Alors, pour la vaccination, c'est la même chose. Étant donné que le système immunitaire va réagir sous le contrôle du système HLA, les résultats ne vont pas être les mêmes selon les sujets. Alors pensez-vous justement, parce que derrière il y a quand même des enjeux financiers pour certaines industries, et notamment la pharmaceutique, que nous prenons des précautions en amont assez nécessaires. Exemple, Ebola, nous en avons entendu parler il y a à peu près un an et demi, bien que ce soit une maladie qui soit existante depuis plusieurs décennies, mais il y a eu cette épidémie, et en quelques mois, vais-je dire, on sort un vaccin. N'y a-t-il pas certains risques ? Est-ce que, en termes, je vais dire, l'évaluation des bénéfices sont-ils bien réalisés? Alors écoutez, là, pour une vaccination aussi récente, il est utile de vous dire que je n'ai pas de données suffisantes pour répondre positivement à cette question. Ce que je voudrais simplement faire remarquer, c'est qu'il y a derrière ces problèmes de vaccination, derrière ces problèmes d'épidémie, il y a parfois d'autres phénomènes. Par exemple, on sait très bien que l'épidémie d'Ebola s'est déclarée dans 3 pays où, comme par hasard, les laboratoires pharmaceutiques américains avaient installé des laboratoires. Alors, je n'ai plus en mémoire le nom de ces 3 pays voisins dans lesquels l'épidémie Ebola s'est déclenchée. Alors, à partir de là, on fait des essais sur des molécules que l'on connaît plus ou moins. Moi, comme personnellement, je ne connais pas dans le détail. Par conséquent, ça m'est difficile de répondre sur un tel sujet et de savoir dans quelles conditions l'épidémie s'est arrêtée. Il y a trop de flou dans cette affaire. Je préfère, moi, ne parler que des vaccinations que l'on connaît bien parce qu'elles sont appliquées depuis des années, voire des décennies, dans notre pays ou dans d'autres pays, bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer un peu le processus? Comment on élabore un vaccin? Comment on élabore un vaccin? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de vaccins. Un vaccin contient ce qu'on appelle des antigènes, un ou plusieurs antigènes en général, c'est-à-dire des molécules qui sont reconnues comme des dangers potentiels par le système immunitaire et qui vont déclencher 2 réactions successives, une réaction qu'on appelle l'immunité innée, qui est très peu spécifique et qui surtout ne développe pas de mémoire, et derrière ça, une immunité adaptative qui va être, elle, beaucoup plus précise et qui va déclencher une mémoire. Alors, ces antigènes, où va-t-on les chercher? Eh bien, on va prendre le microbe au sens large, c'est-à-dire soit le virus, soit la bactérie, que l'on va atténuer, voire inactiver. Mais on peut aussi ne prendre que certaines molécules. Par exemple, les vaccins antitétaniques ou antidiphtériques sont fabriqués à partir de toxines atténuées. Là, il n'y a pas de microbes dedans, ce sont des toxines atténuées. Et puis, les vaccins les plus récents, les plus modernes, type hépatite B, papillomavirus, etc., ce sont des vaccins qui sont faits, en fait, avec simplement des molécules qui sont fabriquées par génie génétique. Alors, ces vaccins, justement, ce sont eux qui demandent en particulier la présence d'adjuvants, c'est-à-dire de molécules qui vont booster le système immunitaire de façon à renforcer la réponse. Justement, vous parlez des adjuvants. Il y a eu certaines polémiques sur les adjuvants tels que l'aluminium. Qu'en est-il, à votre avis? Alors, écoutez, les adjuvants, il y a des adjuvants minéraux, des adjuvants organiques, en particulier le squalène, dont on a beaucoup parlé aussi à propos de la grippe H1N1. En ce qui concerne l'aluminium, c'est un des adjuvants, c'est vrai qu'il est utilisé depuis longtemps, mais qui n'était pas utilisé, par exemple, par l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur fabriquait des vaccins et utilisait du phosphate de calcium, qui avait l'avantage d'être un produit qui existe déjà dans le corps. Dans le squelette, on a du phosphate de calcium, et qui n'était pas, si vous voulez, à caractère toxique. Alors que l'aluminium, on sait très bien que c'est un neurotoxique. L'organisme n'a pas besoin d'aluminium, et c'est pour l'organisme quelque chose d'inutile et de néfaste pour le système nerveux. Mais le problème, c'est que lorsque l'activité de fabrication de vaccins, alors je ne sais plus en quelle année, de Pasteur a été reprise par l'Institut Mérieux à Lyon, eh bien Mérieux ne fabriquait que des vaccins à base d'aluminium, comme adjuvant, et ils ont décidé de ne pas entretenir 2 chaînes de fabrication parallèles et de supprimer tout simplement la chaîne au phosphate de calcium. Y a-t-il des interactions qui peuvent être possibles et des risques si on pratique plusieurs vaccinations en même temps? Ça, tout à fait. Tout à fait, ça a d'ailleurs été montré en Italie et c'est, je crois, un très gros problème actuellement. Déjà, il y a le fait des vaccins combinés. Vous savez très bien qu'au départ, on avait des vaccins combinés à 2 valences, puis à 3. Là, il y avait par exemple diphtérie tétanos, un vaccin bivalent. Après, on y a ajouté la coqueluche, c'était le DT-coque. Après, on a ajouté la polio. Après, on a ajouté l'hémophilus. Après, on a ajouté l'hépatite B. Et vous arrivez ainsi à un vaccin qu'on appelle hexavalent, puisqu'il contient 6 valences différentes. Et ces vaccins hexavalents sont évidemment plus dangereux par le fait même que le système immunitaire était un petit peu affolé par les différents antigènes qu'il rencontre. Et en plus, maintenant, on a tendance à faire, j'en ai plusieurs exemples dans mon entourage, des vaccins hexavalents d'un côté au nourrisson, et le même jour, de l'autre côté, on lui fait le Prévnar, qui lui contient 13 antigènes différents. Alors si vous ajoutez diphtérie, tétanos, polio, hémophilus et hépatite B, plus le Prévnar, ça vous fait plus de 20 valences que le nourrisson reçoit simultanément. Et il a été montré, ça en particulier très bien montré en Italie, que les risques neurologiques sont multipliés, alors je ne sais plus si c'est par 2,5 ou 3, par rapport à l'injection séparée de ces vaccins. Aujourd'hui, on parle de la méningite, notamment de la méningite C. Existe-t-il des vaccins ? Alors, quand la méningite C, oui, bien sûr. Alors, attendez, pour bien préciser les méningites, il faut savoir que la très grande majorité des méningites sont des méningites virales. Contre ces méningites virales, il n'y a pas de vaccin, et ces méningites, en règle générale aussi, régressent, je dirais, spontanément, sans laisser de séquelles. Parmi les méningites bactériennes, parmi les méningites bactériennes, alors vous avez bien sûr les méningites à hémophilus, pour lesquelles il y a un vaccin, et vous avez les méningites à méningocoque, qui sont responsables de ce qu'on appelle les méningites cérébrospinales. Et dans ces méningites à méningocoque, vous avez les formes A, B, C, Y, W135, vous avez 5 souches principales. A, c'est surtout en Afrique. B et C, ce sont les principales en Europe. Et en principe, jusqu'à une époque récente, la méningite majeure en Europe et en France notamment était la B. Maintenant, il existe un vaccin contre la méningite C, effectivement, qui figure dans le calendrier vaccinal. Mais est-ce que c'est pour autant une sécurité ? Vous voyez, j'ai sous les yeux, comme vous savez, vous alliez me parler de cette question, j'ai sous les yeux une déclaration du docteur Lévy Brühl, qui est un médecin qui est à l'Institut national de veille sanitaire, et qui déclarait, il y a déjà une dizaine d'années, l'effet de la vaccination massive, c'est-à-dire la vaccination de l'ensemble des nourrissons, sur une grande masse de population, a pour effet d'entraîner une mutation de la méningite C en méningite B encore plus grave. Et ça, ça a été montré en particulier en Tchécoslovaquie, enfin dans la partie tchèque qui est indépendante aujourd'hui, où des vaccinations massives contre la méningite C a entraîné, bien sûr, une régression des C, mais pas une régression de l'ensemble des méningites, parce que vous avez eu des mutations qui ont donné d'autres formes de méningite. Donc oui, bien sûr, c'est une maladie terrible, parce que elle peut présenter des séquelles et elle peut surtout être mortelle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une vaccination généralisée n'est peut-être pas la solution idéale sur le plan, je dirais, de la santé publique de la population. Donc, à ce moment-là, quelle serait la meilleure des façons pour pouvoir lutter contre cette maladie ? Alors, d'abord, c'est une information. Ça serait bien, par exemple, d'informer les gens sur les signes majeurs, je dirais, du développement d'une méningite. Alors là, évidemment, un médecin serait beaucoup plus à même de donner cette information. Et en particulier, bon, l'une des formes très dangereuses, redoutées de la méningite, c'est lorsqu'il apparaît ce qu'on appelle des purpuras, c'est-à-dire des taches rouges sur la peau, qui sont des petites hémorragies, et là, qui sont à risque majeur. Bon, ben, il faudrait donner une information, non pas pour affoler les gens, mais pour leur dire, évidemment, si vous avez une forte fièvre, une raideur de la nuque, à plus forte raison s'il apparaît ces taches rouges, bon, ben là, c'est aux urgences tout de suite. Vous voyez ? Pour revenir sur l'immunité d'un point de vue général, au cours des années de l'évolution par les vaccinations, avec aussi l'utilisation, on va dire, abusive des antibiotiques, la pollution, l'environnement, la façon dont nous nous nourrissons, est-ce que justement cette immunité innée a tendance à diminuer ? Là, ça me sera difficile de vous répondre. Parce que, évidemment, si vous mélangez tous les ingrédients, la pollution de ce que nous respirons, de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, ça va vraiment être difficile. Non, ce qu'il faut voir, bien sûr que certainement, tous ces facteurs environnementaux influent sur le développement du système immunitaire. Enfin, je pense qu'on a quand même un minimum de fonctionnement normal qui n'est pas complètement anéanti par tous ces événements environnementaux. Pour revenir d'un point de vue général avec la vaccination, pour vous, quels sont les vaccins, on va dire, peut-être pas obligatoires, parce que chacun est quand même doit se prendre en charge, mais je veux dire que vous recommandez qui seraient utiles et nécessaires impérativement. Alors écoutez, là je vais être très franc avec vous. D'abord, je n'ai pas les vaccins obligatoires, c'est pas obligatoire comme chacun le souhaite, hein, c'est la loi qui les rend obligatoires. Vous savez très bien qu'il n'y a que 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, et vous savez aussi que ces vaccins, on ne peut plus les trouver dans le commerce, puisqu'ils sont associés à 3 autres valences, hein, hémophilus, coqueluche et hépatite B. Moi, je dirais simplement pour les vaccins, j'estime que c'est la base même du comportement de l'individu, il faut donner une information. Il faut donner une information sur les maladies. À quoi la maladie est-elle due? Est-ce que c'est bactérien, viral? Ensuite, quelle est la fréquence de la maladie? Quelle est son importance dans la population? Le portage? Quelle est la gravité de la maladie? Est-ce qu'elle laisse des séquelles? Est-ce qu'on a des moyens de traitement? Bon. Et puis en parallèle, eh bien, il faut donner également les informations sur le vaccin. Comment est-il fabriqué? Quelle est son efficacité? A-t-il des risques sur le plan de la santé? Etc. Pardon. Et à partir de là, j'estime qu'un individu qui est informé, eh bien, fait son choix personnel et doit l'assumer. Je veux dire par là que si vous choisissez de ne pas vous faire vacciner et que vous faites la grippe, par exemple, bon, ben, évidemment, il faut assumer. Vous avez choisi de ne pas être vacciné, vous faites la grippe. Bon, ça pourrait être mon cas. Je ne me fais pas vacciner, je n'ai pas la grippe. Je ne suis pas pour autant à l'abri de l'avoir un jour. Mais inversement, si vous vous faites vacciner et que vous avez derrière un accident du type Guillain-Barré ou autre, eh bien, il faut assumer aussi et dire bah, j'ai décidé de me faire vacciner, je dois assumer mon pépin. Pour revenir toujours sur la vaccination, est-ce que la vaccination peut avoir des conséquences, par exemple sur des cancers, sur d'autres maladies, est un facteur aggravant ou qui peut est un vecteur qui va favoriser le développement d'autres maladies? Alors là, je ne veux pas entrer dans la discussion de l'action des vaccins sur d'autres maladies, à plus forte raison sur le cancer, qui est quelque chose de tout à fait à part, même si, malheureusement, il y a eu un rapport. Je veux dire par là que pendant 10 ans, évidemment c'est peu connu parce que c'est un peu passé maintenant, mais pendant 10 ans, dans les années 50-60, les vaccins polio ont été contaminés par un virus de singe qu'on appelle le SV40. Excusez-moi. Et pourquoi? Bien tout simplement parce que ce virus était préparé sur des cultures cellulaires de reins de singe. Et on sait que des vaccins ont été administrés avec ces virus contaminants. Et on a retrouvé dans les années 2000, c'est-à-dire bien après le mode de vaccination, on a retrouvé des sujets qui avaient des cancers, en particulier des cancers de ce qu'on appelle des mésothéliomes, dont beaucoup sont attribués à l'amiante. Mais on a trouvé des mésothéliomes, qui sont des cancers des plèvres essentiellement, chez des sujets qui n'avaient jamais été exposés à l'amiante, mais chez lesquels on a retrouvé des fragments de SV40. Vous voyez, donc c'est une conséquence lointaine, hein, de la vaccination polio. Et on sait aujourd'hui que des sujets peuvent être porteurs, soit parce qu'ils les ont reçus au moment de la grossesse, parce que ce virus traversait le placenta chez la mère, et d'autre part, il a pu être transféré par les transfusions sanguines, parce qu'on en a retrouvé dans les globules blancs de sujets qui n'ont jamais été vaccinés contre la polio. Donc vous voyez, c'est un problème extrêmement complexe, bon, que j'explique évidemment dans mes livres, mais je ne veux pas faire d'autres rapports, parce que je n'ai pas d'autres exemples dans lesquels la vaccination serait directement en rapport avec un cancer. Monsieur Michel Georget, merci beaucoup pour ces informations. Donc, je recommande vos 2 ouvrages. Le premier qui a été paru, c'est « Vaccination, les vérités indésirables » aux éditions d'Angle. Et également le dernier ouvrage qui s'appelle « L'apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe ». Monsieur Michel Georget, merci beaucoup. Donc voilà un petit peu cette interview qui est quand même très intéressante, qui permet d'avoir certains éclaircissements sur justement la vaccination en général. Bon, il nous a parlé de l'hépatite, mais aussi de la méningite C. Ce que je vous propose pour continuer notre émission, là, en direct, j'ai en ligne Madame Patricia Mérand-Sorel. Patricia, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Petit Ange. Alors, je rappelle tout de suite le site internet sur lequel on peut se connecter. C'est www.associationpetitange.com. Patricia, justement, quel est le but de cette association ? Cette association a pour but d'aider les familles touchées par la méningite, donc suite à un décès d'enfant ou à un handicap. Elle a aussi pour but d'informer sur les séquelles de la maladie, les symptômes, faire de la prévention grâce à la vaccination, dialoguer lors de rencontres diverses, d'événements sportifs, et échanger, c'est très important, échanger avec le public sur les réseaux sociaux dont nous avons des pages dédiées site à la méningite. Alors justement, vous faites partie d'un collectif d'associations et on verra, on aura l'interview d'une autre association que vous connaissez très bien aussi, oui. Qui est l'association Audrey, mais vous faites partie d'un organisme mondial, je veux dire, qui a été mis en place, et oui, notamment vous avez participé à la conférence mondiale qui s'est tenue à Seattle aux USA du 18 au 20 septembre 2015, vous pouvez nous en parler ? Oui, donc l'association, moi j'étais présidente de l'association Petit Ange, et puis je me disais un petit peu toute seule, là, je vais pas pouvoir faire grand-chose ou peu de choses. Et en fin de compte, on a pensé qu'il fallait se regrouper. Donc avec Jimmy Voisine, donc, qui est président de Méningite France, association Audrey, on a créé en 2012 un collectif français pour essayer de regrouper un petit peu toutes les associations de méningite, parce qu'il y en a quelques-unes, elles sont un peu étalées sur toute la France. Et donc, nous sommes membres aussi du COMO, qui est l'Organisation Mondiale de Lutte contre la Méningite. Donc, justement, j'étais à Seattle en septembre dernier pour voir ce fléau, qui est un fléau mondial, donc avec de nombreux pays. Alors, je rappelle qu'étaient présents l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, les Philippines, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Canada et les USA, et bien évidemment la France que vous représentiez. Alors, voilà, aujourd'hui... est-ce que vous avez des chiffres, des statistiques, justement, concernant la méningite et la méningite particulièrement C, qui est une méningite foudroyante ? Alors, je peux pas vous donner, parce qu'il faudrait que j'ai les chiffres là sous les yeux, parce que les méningites, c'est tellement compliqué, il n'y a pas une méningite, mais des méningites. Alors, je vais essayer de vous donner un petit peu du global. Bon, je sais pas si Jimmy en parlera, mais il faut savoir qu'en France, c'est à peu près 600 à 800 cas. Alors là, on parle pas que de la méningite C, on parle de toutes les méningites toutes réunies. C'est à peu près 600 à 800 cas, ce qui fait environ 1 à 2 cas par jour en France, dont environ 10% de décès mortels et foudroyants, et 30% de séquelles graves, c'est-à-dire d'enfants qui resteront handicapés à vie. Alors, voilà, à peu près. C'est les chiffres comme ça que je peux vous donner, parce que bon, sinon c'est trop complexe à expliquer. Alors justement, dans son ouvrage, il en parlait, c'est que les bactéries responsables de la méningite, seulement 6% des méningites sont d'origine bactérienne et plusieurs donc peuvent être responsables. Mais comment, quelles sont, je vais dire, les motivations de ces personnes pour venir participer, adhérer à votre association ? Parce que... Ils se sentent seuls parce que aujourd'hui, est-ce que l'organisation de la santé, les organismes de santé, justement, prennent en considération, soutiennent, je veux dire, les parents qui ont et les malades, je veux dire. Vous avez dit quelque chose de très juste, c'est qu'ils se sentent seuls. C'est-à-dire que quand il arrive, parce que c'est considéré en France comme une maladie rare, hein, même si vous avez le nombre de cas que je vous ai donné, c'est pas un fléau. Il y a des maladies beaucoup plus graves et beaucoup plus. Bien que quand ça vous arrive, le parent qui est seul et j'en ai été la première touchée, votre enfant décède en moins de 24 heures. Vous n'avez rien compris, vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne connaissez rien. et vous vous retrouvez seul. Donc généralement les parents tout de suite, parce que maintenant on a internet, donc vont taper le mot méningite sur internet en se disant mais qu'est-ce qui m'arrive quoi, c'est un tsunami qui vous arrive, et ils sont complètement perdus, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et nous, notre rôle d'association, c'est justement de passer le message et de dire voilà, on n'en parle pas, mais ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment, partout en France et dans le monde. Est-ce que ça touche plus particulièrement, bon, on, nous ne sommes pas des médecins, mais par rapport au contact que vous avez, les personnes qui viennent vous solliciter, ça touche plus les jeunes ou mais aussi les adultes? On a tout public. On a évidemment de jeunes parents, parce que ça touche souvent les enfants, et surtout entre 0 et 4 ans. Donc ce sont généralement des parents d'une tranche d'âge de 25-35 ans. Donc, mais ça touche aussi les grands-parents qui, bien sûr, ont perdu leurs petits-enfants. Ça touche les adolescents, et surtout dans le cas de la méningite, que ce soit B ou C, ça touche énormément les adolescents. C'est pour ça que vraiment, il y a une information offerte à faire au niveau des adolescents. Et écoutez, ça, je crois que ça touche tout le monde. Et ce qui est plus grave, c'est qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Je veux dire, oui. C'est le hasard. Est-ce que vous menez des actions préventives d'information auprès des écoles, auprès des, je veux dire, auprès des jeunes ou d'autres associations? On essaie de le faire là où il y a de la demande. C'est-à-dire qu'on lance l'information. Certaines, il y a eu des informations dans des collèges suite à un professeur, bon c'est un exemple que je vous donne, mais un professeur qui avait été touché, enfin sa fille avait été touchée, heureusement elle s'en est sortie et c'est une petite miraculée, et lui il a eu le besoin d'en parler à ses jeunes élèves dans un collège. Donc on a cet exemple là, c'était du côté de Montpellier. On ne peut pas informer partout parce qu'on n'en a pas les moyens, mais justement le fait de se regrouper et d'être ensemble, on se dit, on se fait aussi aider par les professionnels de santé, parce que il faut qu'il y ait quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'on nous, comme vous l'avez dit, on n'est pas médecin, mais on se substitue pas aux professionnels de santé, mais ils nous aident à passer, on fait des conférences, on fait ce qu'on peut, quoi, le plus possible pour informer. Et justement, vous avez prévu cette année de faire des conférences? Il y a une conférence qui est prévue, puisqu'il y a la journée nationale de la méningite. Donc on a la journée mondiale, et on travaille là avec le COMO, l'organisation mondiale, donc qui est prévue le 24 avril. Et on a la journée nationale, donc en France, qui est le premier samedi du mois d'octobre. Alors je rappelle votre association, pour aller sur internet, allez, il y a plein d'informations, www.associationpetitange.com. Je rappelle également, vous êtes du Havre d'ailleurs, libre-échange, écoutez sur Rouen, vous êtes entre le Havre et Rouen, je salue nos amis de la région. Également vous êtes sur Montpellier, il y a également une antenne sur Montpellier, mais aussi une autre antenne qui est à Marseille, et également sur le 67, donc sur l'Alsace, sur le Haut-Rhin. Alors, un site internet, mais aussi les personnes qui aimeraient prendre contact avec vous, c'est un lien mail, c'est associationpetitange.eclm@orange.fr. Je répète, associationpetitange.eclm@orange.fr. Et dessus, il y a également, pour soutenir l'association, eh bien, écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, allez sur le site, soutenez cette association, parce que la santé, ça concerne tout le monde. Madame Patricia Mérensorel, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une courte pause musicale, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, et on va revenir juste après ceci. When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried much mystique. Right then I'd carry on to you. I knew my heart belongs to know you. You give me something, something that nobody else can give. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur le plateau de notre émission Libre-Échange, riche en informations, bien évidemment. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de la vaccination, nous parlons aussi de la méningite C, parce que c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Alors, je rappelle à nouveau le site internet sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur la maladie, qu'est-ce que la méningite, des questions que vous poseriez, c'est www.associationpetitange.com. Pour continuer cette émission, nous allons avoir l'interview de monsieur Voisine. Il est président de l'association Audrey et justement, lui, il a créé cette association parce qu'en fait, sa fille est décédée brutalement de cette maladie, la méningite C. Donc, on va écouter cette émission, cette interview et on va pouvoir en reparler après avec une autre personne. Monsieur Voisine, bonjour. Vous êtes le président de l'association Audrey, qui a pour but d'informer la prévention sur les méningites. Parce qu'en fait, votre fille, elle est décédée, bien malheureusement, de la méningite C. C'est bien cela ? Tout à fait. Donc, elle est décédée à l'âge de 12 ans. Et la maladie s'est déclarée au sein du collège. Donc, c'était en 99. Et un an après, je vais dire, on a créé l'association. Suite au manque d'informations qu'il y avait sur cette maladie-là. Alors, justement, vous parlez du manque d'informations. Est-ce qu'en amont, il y avait une information pour expliquer ce qu'est la méningite, les risques ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ? Auparavant, non, il n'y avait pas du tout, je dirais, d'informations. C'est pour cette raison qu'en janvier 2000, la DAS de l'époque, les différentes autorités sanitaires se sont liées, je veux dire, se sont associées à notre demande pour justement commencer à réaliser les premiers supports d'information sous forme d'affiches et organiser la toute première information le soir destinée aux problèmes de santé, donc sur la méningite. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans le milieu scolaire, universitaire, au niveau de l'éducation nationale, est-ce qu'il y a une information, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, justement, pour sensibiliser les parents, mais les enfants aussi ? Alors, nous, on a déjà réalisé, dans le cadre de l'association, déjà deux campagnes au niveau de l'éducation nationale, qui par des affiches et des pliants. On a réalisé avec un collectif qu'on a créé qui s'appelle Ensemble contre la méningite, qu'on a créé, on a fait une campagne de prévention au niveau des PMI des cabinets de pédiatres. Donc on fait différents supports, je dirais, d'informations en fonction, comment dire, des fonds qu'on peut, je veux dire, récolter pour réaliser cette campagne. Alors, je sais que pour vous, c'est quand même quelque chose de douloureux, mais pour pouvoir informer notre public de l'émission Libre-Échange, est-ce que vous pouvez nous parler justement, si en amont, s'il y avait eu des symptômes, s'il y avait des choses précurseurs, et comment cela s'est-il passé ? Alors, c'est vrai que nous, il faut savoir c'est que la méningite est une bactérie que j'irais une moyenne de 10 à 15% de la population. Nous sommes des porteurs sains de la bactérie qui se situe au niveau de la gorge. Et cette bactérie se transmet par le biais donc de la salive et elle est très très fragile, mais elle a une capacité donc de mutation. Donc c'est vrai que les lieux collectifs sont des lieux propices justement par la transmission de la bactérie par le biais de la salive. Mais par contre, vous pouvez très bien attraper la bactérie et rester un porteur sain sans développer la maladie. La bactérie a besoin d'un support pour se développer et ce support, c'est un support souvent irritant et c'est pour cette raison que je dirais que la période hivernale est propice à l'évolution de cette bactérie du fait que si vous avez une grippe, une angine ou notamment les jeunes quand ils passent le bac et du fait de passer le bac, le stress, devoir déglutir par le stress sont des facteurs qui sont favorables à la bactérie pour qu'elle puisse s'accrocher et se développer. Il existe des vaccinations justement par rapport à cela. Est-ce que vous pensez, vous, qu'aujourd'hui, il faut faire une sensibilisation pour qu'une vaccination soit mise en place ? Dirais-je, aujourd'hui, oui, il y a une grande sensibilisation à faire. Il faut savoir que dans le cadre de la méningite, qui est un recensement obligatoire par l'État parce qu'il y a risque d'épidémie, c'est une moyenne de 2 cas par jour en France. là, les deux groupes qui sont majoritaires, c'est le groupe, disons, les deux groupes qu'on retrouve en France sont le sérogroupe B et le sérogroupe C. Le B, c'est à peu près les deux tiers des cas de méningite en France, et un tiers, le sérogroupe C. Et ces deux types de méningite ont deux vaccins différents. Si vous vous faites vacciner pour le C, vous n'êtes pas couvert pour le B, et vice-versa. Donc c'est vraiment des vaccins spécifiques. Pour la bonne raison, la bactérie a une capsule pour se protéger, et c'est par rapport à cette capsule, ils sont obligés de faire le vaccin. Donc pour le B, le vaccin, il est tout, je veux dire, récent, il a à peu près deux ans. Que le C, il a quand même déjà un certain nombre d'années d'espérance, comment dire, de développement. Un recul dessus. Et on retrouve un petit peu, j'y rajoute aussi, de temps en temps, le sérogroupe depuis les années 2000, le sérogroupe W135, qui est encore un autre vaccin. Donc je dis bien que tout à l'heure, c'est que c'est une bactérie qui a une capacité de mutation. C'est ce qui fait sa complexité dans le cadre de la création de vaccins, et notamment aussi un petit peu la peur de cette maladie. Le sérogroupe, c'est ce que notre fille a eu. Entre les premiers symptômes et le décès, c'est 24 heures qui sont à peu près écoulées. Donc pour vous dire, pour ça qu'on l'appelle la méningite foudroyante. Je rappelle votre site sur lequel il y a énormément d'informations, très riche en informations. C'est www.asso-audrey.org. Donc je répète, www.asso-audrey.org. Vous êtes également, parce que vous impliquez énormément, je veux dire, justement pour informer un large public et sensibiliser les populations, et notamment les jeunes, vous êtes également cofondateur de la Confédération mondiale sur la méningite. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. En 2004, on a créé avec l'Angleterre et le Brésil la Confédération mondiale, et qui avait regroupé d'autres pays qui se sont, on va dire, associés. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une trentaine de membres dans cette confédération. Et la confédération, fait beaucoup de choses au niveau, sur le plan de la vaccination. Et notamment, là, cette année, on prépare quelque chose, une action, on va dire, européenne à Bruxelles, le premier week-end d'octobre. Donc, la Confédération a mis en place, elle, une journée mondiale sur la méningite qui a lieu le 24 avril. Et nous, en 2010, au ministère de la Santé, on a mis en place la journée nationale française qui a lieu tous les premiers samedis d'octobre de chaque année, qui sera ce week-end-là, où on envisage de faire donc une action à Bruxelles, qui sera donc une conférence européenne. Je rappelle le site justement de cette Confédération of Meningitis Organization, c'est www.comeningitis.org. Donc j'invite également nos auditrices, nos éditeurs d'aller justement prendre des informations également au niveau de la Confédération. Alors, est-ce que vous menez des actions, puisque Libre-Échange est écouté sur pas mal de départements en France et notamment et aussi à l'étranger, est-ce qu'il y a des relais, si je peux dire, qui sont sur des régions, existe-t-il aussi d'autres associations qui ont rejoint votre mouvement ? Alors, en France, on a justement, il y a à peu près deux ans, on a créé, je veux dire, un collectif qui s'appelle donc Ensemble contre la méningite. Donc il y a donc un site qui s'appelle Ensemble contre la méningite. Comme nous, on avait créé donc de nombreuses années aussi un site français qui est donc associationaudrey.fr, qu'on va refaire tout récemment vu qu'on a eu à nouveau le logiciel. Au niveau du collectif, ça permet de regrouper un certain nombre d'associations qui ont été créées liées à la méningite suite à un handicap d'un enfant. Donc les méningites ont un ensemble de séquelles très très diverses, voire l'amputation. Je rappelle donc votre site internet www.asso-audrey.org. Quand il y aura un nouveau site, je pense qu'il y aura une redirection qui sera faite directement. Oui, parce que on a deux sites. Le .org, c'est un site, je veux dire, en trois langues, qui ne bouge pas beaucoup, ça permet de faire de l'information, parce qu'on est obligé de choisir les termes pour des termes que tout le monde, dans tout le monde, dans le monde entier, puisse comprendre. Et on a ce site français qui, là, quand nous, on fait gérer, évoluer, et là, on est en train de tout revoir notre moyen de communication, parce qu'il était bon, il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, il faut tout remettre à jour. Y aurait-il des recommandations à faire, justement, à nos auditrices, nos auditeurs, en amont, sur, par exemple, l'hygiène de la vie au quotidien? Quelles seraient vos recommandations, monsieur Voisine? Les recommandations, nous, au départ, la méningite, au niveau des symptômes, on dit bien, au départ, sous forme d'image, ça ressemble à la grippe avec une sensibilité à la lumière. La nucrède et la forte fièvre, quand ça arrive, c'est que la maladie a bien progressé. Notamment les taches rouges qu'on appelle le purpura. Le purpura, on le retrouve notamment en grande partie dans le sérogroupe C, qui fait un tiers des cas de méningite en France. Qui veut dire que 70% des cas de méningite, il n'y a pas de purpura. Et notamment pour le nourrisson, les symptômes sont tout à fait différents. Si quelqu'un vous dit que le nourrisson il a une nucrède, c'est entièrement faux. Les cartilages du nourrisson ne sont pas encore formés. Le nourrisson ressemble plus à une poupée de chiffon. Mais par contre, une fontanelle sera bombée, vu d'être légèrement creusée, et un comportement anormal du bébé, refus de manger, grognon. Donc là, les parents peuvent dire « mon enfant n'est pas comme d'habitude ». Mais surtout, je veux bien préciser que les symptômes de nourrisson sont tout à fait différents de ceux de l'adolescent, parce que donc du fait que ces cartilages ne sont pas encore formés. Donc les deux symptômes qu'on peut voir, c'est un enfant, on va dire, mou, une nuque molle et une fontanelle bombée. Au niveau des traitements, existe-t-il des traitements curatifs? Alors, il y a le vaccin, si le vaccin il est fait, il faut compter 5 jours, pour que le vaccin soit à peu près, soit efficace. Mais je veux bien préciser, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs types de méningite et plusieurs vaccins. Il n'y a pas encore de vaccin universel qui existe au niveau de la méningite. Donc, il y a plusieurs vaccins. Et quand une personne développe un syndrome méningé, le corps hospitalier fait un antibiotique. L'antibiotique permet de ralentir la progression de la bactérie, qui permet de pouvoir analyser quelle souche que la personne a et d'attribuer, le traitement efficace. Et si la méningite est trop avancée, maintenant, de plus en plus, ce qu'ils font, ils plongent la personne dans un coma artificiel. Monsieur Voisine, merci beaucoup. Je répète à nouveau donc votre site internet sur lequel on peut reprendre, récupérer et avoir accès à différentes informations, www.asso-audrey.org, mais également donc le site de la Confédération Méningite, donc c'est www.comoningites.org. Monsieur Voisine, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau de notre émission Lumière et Champ. Donc voilà ce premier témoignage de ce monsieur qui a perdu, qui a vécu ce drame en perdant sa fille et qui l'a motivé justement à faire quelque chose. Donc je rappelle ces sites, associationaudrey.fr, mais également vous allez sur internet, vous recherchez méningite et vous trouvez tous ces sites. Pour continuer notre émission, ce que je vous propose, c'est d'avoir l'interview de Madame Annie Hamel. Madame Annie Hamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman et avez vécu ce drame. Vous avez perdu votre petit garçon justement à cause d'une méningite. Oui. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de me permettre de témoigner et de témoigner au nom de notre famille et de toutes les familles qui ont perdu un enfant d'une méningite C, qui ont un enfant handicapé de cette maladie foudroyante, contagieuse, sans aucun signe précurseur, qui tue nos enfants, qui les handicape, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, dont on peut se protéger par un vaccin. Voilà. Donc, oui. D'où l'importance. Alors, nous sommes les parents d'Aurélien Hamel, nous habitons Palaiseau. Aurélien a passé un concours des écoles Polytech en mai 2012. Il est parti étudier en septembre 2012 à Lille et il est décédé dans sa chambre d'étudiant le 31 janvier 2013. Voilà, Aurélien, c'était un jeune homme de 18 ans en parfaite santé. Il n'a présenté aucun symptôme. Le lundi 28 matin, il avait eu son papa au téléphone. Tout allait bien pour parler de sa convention de stage. C'est seulement le lundi 28 au soir, vers 19h15, qu'il a posté sur un site où j'avais l'habitude d'échanger avec ses copains, la jeuxvideo.com, les premiers sites de la méningite, des nausées, des vomissements. Et il est décédé sans doute dans la nuit du lundi au mardi. Nous avons été prévenus de son décès le jeudi après-midi vers 15h. Vous, en tant que parent qui avez vécu ce drame, est-ce que vous vous sentez soutenu par le corps médical, mais aussi au niveau associatif? Comment ça s'est passé? Parce que c'est quelque chose de violent. Vous avez votre enfant, vous échangez avec, et le lendemain matin, vous apprenez ce drame. Écoutez, nous connaissions à peine cette maladie, encore bien moins la vaccination. Notre médecin traitant ne connaissait pas la vaccination du tout. Donc, on a découvert au décès d'Aurélien. Mais très vite, hein, on a compris qu'il y avait de nombreux cas de méningite et de méningite C en France. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que le vaccin contre la méningite C a été mis au calendrier vaccinal en 2010, hein, en raison de la recrudescence des cas. Et par exemple, parce que la méningite C, comme toutes les méningites, elle est présente dans toute la France. Hein, on l'a bien vu encore dernièrement, il y a eu 3 cas là, dans la région Auvergne, mais elle est présente en Bretagne, en Nord-Pas-de-Calais, en Provence, en Côte d'Azur. Voilà. Mais justement, moi, ce que je trouve qui suis attentif au niveau de l'actualité en général et particulièrement de la santé, on n'entend pas parler. Est-ce que c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire tabou, mais bon, c'est devenu quelque chose de banal, bien qu'il y ait un nombre quand même très important de personnes qui contractent cette maladie, qui en meurent, par rapport à d'autres maladies. Qu'est-ce que vous en pensez? On la qualifie de maladie rare. La méningite C, elle fait à peu près une trentaine de décès et elle tue nos jeunes chaque année. Hein, vous voyez, la grippe, elle fait beaucoup plus de cas, mais bon, ce ne sont pas nos jeunes. La méningite C, elle atteint nos jeunes. Il y a un manque d'informations. Les médecins ne sont pas formés à cette maladie, aux symptômes. Il y a vraiment un manque d'informations. Est-ce que, justement, avec votre médecin qui a en fait découvert, si je peux dire, la vaccination, est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir, d'en parler avec lui, de le revoir et d'en parler avec lui? Quel a été, est-ce qu'il a eu, ça l'a sensibilisé et puis aujourd'hui il recommande la vaccination? Qu'en est-il? Oui, bien sûr. Alors, en fait, notre médecin de famille a découvert la vaccination au décès d'Aurélien. Depuis, bien sûr, il a affiché le calendrier vaccinal dans sa salle d'attente. Une des pharmacies de notre région de Palaiseau a affiché aussi la magnifique affiche qui dit « La méningite C, un danger évitable ». Bien sûr, qu'il communique sur cette vaccination, il informe les familles, hein, voilà. Mais il y a toujours un manque d'informations, hein, et c'est pour ça que moi, depuis ce jour-là, j'informe du mieux que je peux. Bon, j'ai rencontré le ministère de la Santé, par exemple, à la rentrée 2014, sur ce campus universitaire de Lille où il y a eu pendant plusieurs années la multiplication des cas de méningite. Ils ont fait une sensibilisation à la méningite et à la vaccination. Y a-t-il eu justement des, par rapport, parce que vous êtes intervenu sur à la télévision, vous impliquez beaucoup, mais justement sur l'île, est-ce qu'il y a eu des mesures de mise en place concrètes de prévention, d'information? Qu'a-t-il été fait? Non, à part cette sensibilisation sur la vaccination et sur la maladie faite en octobre 2014 sur le campus universitaire de Lille, par exemple, en septembre 2015, il n'y a eu aucune sensibilisation. Parce que les autorités de santé ont prétendu qu'une sensibilisation avait été faite en 2014 et que c'était suffisant pour protéger nos jeunes. Or, je n'ai pas la certitude que, par exemple, comme pour nous, par exemple, en août 2012, quand on est arrivé sur l'île, personne ne nous a dit « Oh, il y a eu de nombreux cas de méningite, dont une jeune fille qui était déjà décédée à l'EDEC en octobre 2011. » Personne ne nous a informés. S'il y avait eu cette information-là, est-ce que vous auriez, ça aurait remis en cause les études de votre fils, l'orientation, enfin, je ne vais pas les études. Ah, mais bien sûr, Bien Est-ce sûr, que vous, quand, vous, aurez... savez qu'il, quand, quand oui. vous savez qu'il y a une multiplication des cas de méningite et que pour protéger de cette maladie, il y a seulement la vaccination, bien sûr qu'Aurélien aurait été vacciné. Voilà. Il y a plein de mesures, de mesures d'information préventive à mettre en place. Hein. Voilà, on peut faire, par exemple, on peut sensibiliser les infirmières scolaires tout au long de la scolarité de la vie étudiante. Hein. On peut inscrire le calendrier vaccinal dans les dossiers d'inscription des écoles. Certaines écoles le font, mais malheureusement pas toutes. Il y a aussi un moyen d'informer sur le calendrier vaccinal, par exemple au moyen des bordereaux d'inscription sécurité sociale au niveau des mutuelles étudiantes. Et puis surtout de former nos médecins, ne serait-ce que d'afficher le calendrier vaccinal dans les salles d'attente de tous les cabinets, comme je l'ai fait par exemple à l'Institut Pasteur. Voilà. Informer aussi les services d'urgence aux symptômes de cette maladie qui est trop souvent confondue avec un symptôme grippal. La plupart des patients partent avec une boîte de Doliprane, hein, alors que, voilà. Et puis, il y a aussi des sensibilisations offertes par les médias, parce qu'en fait, ce vaccin qui a été mis au calendrier vaccinal en 2010, aucune communication n'a été faite par les médias. Chaque année, vous avez la semaine de la vaccination, mais oui. elle n'est pas entendue, on en entend très peu parler. Et puis aujourd'hui, ben, comme on l'entend, la vaccination, il y a certaines controverses, il y a certaines... Bon, mais c'est important, ben, la vaccination, c'est quand même important. Après, bon, chacun est libre de faire comme il veut, mais c'est important et je vous rejoins. C'est pour cette raison que je vous ai invité dans notre émission Libre-Échange et de faire le point justement sur la vaccination, mais aussi cette méningite, pour en parler, de savoir comment cela se passe-t-il et d'avoir de diffuser très largement cette information. Au niveau des politiques, est-ce que vous avez essayé de rencontrer, de solliciter, de sensibiliser les politiques pour que des mesures soient mises en place ? Oui, bien sûr. Je suis allée à la Direction générale de la Santé, hein, voilà, pour comprendre comment ça se faisait que, sachant par exemple pour notre cas en Nord-Pas-de-Calais, toutes les autorités de santé savaient qu'il y avait une recrudescence de cette maladie sur ce campus universitaire et qu'aucune sensibilisation n'a été faite en août 2012. Alors là, bien sûr, bah, j'ai eu la sensation d'être écoutée puisque c'est vrai qu'il y a une sensibilisation très importante qui a été faite en août 2014, mais par exemple, en septembre 2015, aucune sensibilisation n'a été faite. Voilà. Donc ben aujourd'hui, vous voyez bien que Marisol Tourelle elle engage un plan d'action pour la rénovation de la politique vaccinale. Donc j'espère que dans ce cadre-là, une meilleure communication sur le calendrier vaccinal va être réalisée. Est-ce que vous avez l'intention justement de solliciter Madame la ministre, là, c'est, actuellement c'est Marisol Tourelle, mais de la solliciter pour et de la sensibiliser pour que, avec des politiques, pourquoi pas, et des associations, mais aussi de parents victimes qui ont des enfants qui ont été victimes de cette maladie, pour que des mesures concrètes soient mises en place. Ah oui, bien sûr. Dans le plan d'action que Marisol Tourelle va mettre en place, il y a le plan débattre, là, lancer une grande concertation citoyenne au sujet de la vaccination. J'ai l'intention de demander à participer à cette concertation citoyenne, bien sûr, oui. Comment pouvons-nous faire, Madame Agnamel, pour vous aider, justement, pour soutenir vos actions, pour que des mesures soient mises en place ? Mais écoutez, moi, avec mes tout petits moyens, aujourd'hui, j'ai fait une page information, un scoop-it, hein, voilà, où je recense des articles sur la méningite, sur la vaccination recommandée. Et j'espère qu'au travers de cette page d'information que je mets à jour régulièrement, elle permettra aux familles d'être informées. En particulier, parce que c'est vrai que moi, je pense beaucoup aux jeunes adolescents qui sont particulièrement victimes parce que plus porteurs de cette bactérie. Et on ne sait pas pourquoi un jour, eh bien, elle passe la barrière sanguine, voilà. Parce que dans certaines régions, la bactérie est plus virulente, parce qu'un jour, l'élève, l'étudiant est plus fatigué. Mais il n'y a pas que ça, parce que vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, en février 2014, il y avait eu 4 ou 5 cas de méningite à Nice, dont 2 beaux-frères qui ont été victimes d'une méningite C. Et... En fait, on ne sait pas trop comment ça a pu se passer, quoi, en fait, c'est ça. Personne Alors, ne peut prévenir auriez... les cas de méningite. Voilà, elle est présente partout. Donc, le seul moyen, c'est d'informer et de vacciner. Madame Amel, est-ce que vous pouvez nous rappeler la page, justement, de votre blog ? Alors, c'est pas un blog, c'est une page Scoopit que j'ai faite, oui. Voilà, qui s'appelle « La méningite, fléau du XXIe siècle, se vacciner pour se protéger ». Très voilà, bien. J'ai donc même également sur, créé un compte Twitter où je recense les informations pour toujours informer. Voilà. Notre chagrin, il est immense. Mais je pense comprendre. Que notre combat est légitime et j'espère qu'il aidera beaucoup de familles pour que notre malheur ne se reproduise plus. Madame, le moins possible. Madame Annie Hamel, merci pour votre témoignage, c'est très courageux. Avec tout notre soutien, et je propose à nos auditrices et nos auditeurs de soutenir les actions qui sont menées des différentes associations qu'on a pu entendre aujourd'hui, mais également d'aller sur votre site internet, sur votre page, donc la méningite fléau du XXe siècle, retrouver et soutenir votre action pour que les mesures soient mises en place. Nous arrivons à la fin de notre émission et chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres thèmes, d'autres sujets. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, parce que la santé, c'est important. Libre-échange, Sylvain Blondin.